Son faste. Il habita d'abord une assez modeste maison dans Subur, mais quand il fut nommé grand pontife, il eut pour demeure un bâtiment de l'État sur la voie sacrée. Il passe pour avoir aimé passionnément le luxe et la magnificence. Il avait fait bâtir sur le territoire d'Aricie une maison de campagne, dont la construction et les ornements lui avaient coûté des sommes énormes. Il la fit, dit-on, jeter à bas parce qu'elle ne répondait pas entièrement à son attente, et il n'avait encore qu'une fortune médiocre et des dettes. Dans ses expéditions, il portait avec lui pour en paver son logement des carrelages et des pièces de mosaïque.